Bonsoir. Bonsoir à l'écoute du journal Sans Papier, 3e édition, sur Radio Panique 105.4. Ça fait 3 lundis donc, que le journal Sans Papier essaye de vous tenir au courant de l'actualité des luttes des sans-papiers. Des luttes qui ont pour objet la régularisation, qui sont contre les centres fermés, plus largement pour une société plus digne et plus humaine. Au-delà de ça, on essaye de vous parler aussi des migrants en Europe et dans le monde et des rapports Nord-Sud. C'est une émission boule de neige, c'est une émission ouverte aux auditeurs à laquelle vous pouvez participer si le cœur vous en dit. On tient ici à Radio Panique une permanence tous les vendredis à 17h dans les locaux de Radio Panique au 49 de la rue Saint-Josse. Et vous pouvez nous joindre aussi par email à l'email papier au pluriel @radiopanique.org. Et si vous êtes loin de toutes ces machines, il y a aussi un numéro de téléphone, le 02 732 14 45, c'est ça, le 02 732 14 45, auquel vous pouvez joindre donc la rédaction du journal Sans Papier. Alors aujourd'hui, on va écouter des sans-papiers, des paroles de sans-papiers, des témoignages. Vous vous souvenez, si vous écoutiez l'émission de la semaine dernière, du lundi dernier, qu'on avait parlé avec Pierre Arnaud Perrouti des centres fermés, de la terminologie des centres fermés, de la façon dont la presse en parlait. Et cette semaine, eh bien, on a eu envie d'essayer de parler de cette réalité en essayant de passer de l'extérieur vers l'intérieur de ces centres, d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qui s'y vivait. Et on a notamment, on a invité Dédé Mutombo Kazadi, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Dédé est un ancien porte-parole UDEP, et aussi il a fait partie de l'occupation de l'église Saint-Boniface. Et donc il a beaucoup de choses à nous raconter. Tout ce témoignage et cette question de centre fermé est encore d'actualité cette semaine, puisque il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. Mercredi, il y a 37 personnes qui se sont mis en grève de la faim au centre fermé du 127 bis. Et jeudi, on a appris aussi que 11 personnes avaient réussi à s'évader du centre de Vautem. Et devant ce même centre de Vautem, eh bien hier dimanche, il y avait une manifestation qui était organisée par le CRACPE, j'y arrive, la coordination de résistance au centre pour étrangers. Et cette manifestation avait pour but de commémorer les 10 ans de résistance à la construction du centre de Vautem, construction qui avait commencé en 97. Donc on a fait le déplacement, ça a été assez dur d'ailleurs. On a eu du mal à y arriver, mais on y est arrivé. On est arrivé dans un lieu, encore un lieu, enfin chaque centre est un lieu atypique et assez curieux à observer. Là, on était dans un centre qui est pareillement dans un quartier résidentiel et avec une rue, avec des maisons, des gens qui ont donc tout à fait vu sur ce centre qui est fait avec plusieurs portails en fer. Je pense que vous allez entendre ça dans le reportage. Ces bruits de fer qu'on entend, c'est les manifestants qui tapent sur des portails en fer. Évidemment, il y avait un hélicoptère qui était là, de la police, beaucoup de policiers en civil aussi. des échelles qui nous permettaient de monter par-dessus les portails. Enfin voilà, c'était quelques aspects de cette manif. Et donc on va entendre un reportage qui va nous faire entendre un peu ce qui s'y est passé. En fait, ça a commencé en 1997, très exactement, au moment où on a appris la construction du centre fermé de Votem. Alors déjà, certains d'entre nous avaient été sensibilisés à la question et s'étaient rendus autour du centre 127 bis. Et donc, quand on a appris qu'un centre fermé allait s'ouvrir à Liège, on a décidé tout de suite de constituer le mouvement le plus large possible. D'accord, et donc vous avez assisté à toute la construction de ce centre fermé? Oui, on a assisté à la construction, il y a eu pas mal d'actions pendant la construction, il y a eu notamment une occupation, des manifestations autour du centre aussi. En 1997, certains des nôtres sont montés d'ailleurs sur les toits en construction à l'époque, ils se sont enchaînés même sur la grande poutre, de telle façon à ce que on ne continue pas à créer le centre. Malheureusement, les policiers sont venus en nombre et ils sont parvenus à nous déloger d'ailleurs. Et voilà, malheureusement, ce centre s'est ouvert et depuis qu'il est ouvert, notre collectif a une présence bi-hebdomadaire autour du centre, tous les mercredis, tous les samedis. Le mercredi et le samedi, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui, mais en plus petit. Nous essayons de nous mettre en rapport immédiat avec les personnes qui se trouvent dans le centre de Votem. Et aussi bien ici du côté visé, voir où nous nous trouvons, que de l'autre côté, rue Vertevoix. Et on discute avec les... Comme nous savons qu'ils sortent ici entre 15h30 et 16h30, donc nous arrivons vers 16h et nous nous mettons ici avec l'escabelle, et là sur le côté, et nous discutons avec les prisonniers et leur demandons ce qu'ils souhaitent à ce moment-là. C'est principalement, naturellement, les cartes de téléphone qu'ils nous réclament, de telle façon à pouvoir communiquer et avec leur famille, pas avec les avocats, parce que pour leur avocat, ils ont droit à avoir immédiatement, via l'assistance sociale, un contact direct. Gratuit. Mais pour le reste, pour leur famille, ils n'ont aucun contact. Il y a certains, d'ailleurs, qui, à certains moments, n'avaient, donc même, savaient, leurs parents ne savaient même pas qu'ils étaient ici. Et c'est suite au cas de téléphone qu'on leur a envoyé qu'ils ont pu signaler à leur parenté qu'ils se trouvaient ici dans un centre fermé. Moi, je suis là pour le Remédé, donc, qui est un collectif de collectifs qui prépare la manif du 1er mai, donc, qui aura pour thème la précarité selon deux axes principaux qui seront d'une part la précarité du travail et d'autre part la précarité des migrants. Et il nous semble qu'il y a un lien très fort entre les deux. Il nous semble que les migrants sont traités comme ça ici, ça a un lien très fort avec la façon dont on conçoit le travail ici en Belgique. Et à l'inverse, la façon dont les sans-papiers sont contraints de travailler au noir, ça a un impact extrêmement négatif sur les travailleurs ici dans toute une série de secteurs. S'il y a une véritable casse sociale, un moins-disant social généralisé dans des secteurs comme la construction ou les saisonniers dans l'horticulture, c'est sans doute clairement lié aux sans-papiers. Et donc je crois que les travailleurs et les sans-papiers ont extrêmement intérêt à lier leur lutte, et c'est un peu ça le message de l'Euromédé. D'un côté, nous on délocalise certaines de nos entreprises vers le tiers-monde, et d'un autre côté, on a tiers-monde à domicile pour exécuter toute une série de travaux non délocalisables comme la construction, l'agriculture, les services domestiques, et ce sont des travailleurs surexploités. Et donc c'est pour ça qu'on se bat avec l'UDEP, l'Union de défense des sans-papiers, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Madame, vous pouvez pas me dire ce que vous en pensez ? Rien du tout. Vous êtes muette. Ah, plus que ça. Ah, Ça veut déjà dire quelque chose. Ça me pompe. Ah, ça vous pompe. Eh oui. Vous habitiez là avant? Oui. Donc vous avez vu tout ça arriver, quoi. Petit à petit. Ouais. Alors vous êtes avec nous, vous êtes pour que ça ferme, non? Je suis neutre, mon lapin, j'ai la paix. D'accord. Au revoir. Ce garçon, il vient d'être contrôlé par des policiers civils, on ne sait pas pourquoi, ni qu'est-ce qu'ils vont faire avec son identité. Tu as demandé. Donc tu pourrais peut-être lui poser quelques questions. Il a répondu quoi? Il n'a pas répondu, il a dit vous le saurez prochainement. Quoi. Vous le saurez prochainement? Ouais. Enfin, ça c'est une menace ou quoi? Bah, ça y ressemble. Mais voilà, je ne sais pas. T'as aucune idée de pourquoi il t'a... Non, bah, je ne sais pas quoi, j'étais à la manif, mais enfin bon, ouais, voilà. Surtout avec un chapeau, hein. Avec voilà, un chapeau. J'aurais dû enlever le chapeau ou mettre le t-shirt. On a deux affaires, une ou deux communications importantes. D'abord, vous venez d'entendre des gens de Bruxelles, de Gand, et bien entendu, il y a aussi avec nous beaucoup de personnes de Verviers, du collectif de Verviers, de l'univers de Verviers. Il y a aussi des gens qui sont venus de peine, de Hacken, donc des cloches à peine. Et nous sommes vraiment très heureux que toutes ces personnes soient là avec nous aujourd'hui. Enfin, je voudrais vous rappeler que dans différentes villes, l'UDEF a participé à des actions organisées le 1er mai. À Liège, il y a une manifestation organisée par Euromédée à partir de 14h devant la gare des Guillemins. Manifestation contre la précarité. Manifestation qui appuie la lutte de tous les précaires et en particulier des sans-papiers pour leur régularisation. Donc rendez-vous le 1er mai à 14h devant la gare des Guillemins. Nous vous invitons maintenant à aller tous ensemble devant la dernière porte et à faire le plus de bruit possible pour que ces personnes enfermées dans le camp de la honte puissent nous entendre. Notre collectif a une présence bi-hebdomadaire autour du centre, tous les mercredis, tous les samedis, ainsi qu'une permanence téléphonique quotidienne à laquelle les personnes peuvent nous contacter, les personnes détenues. Est-ce que tu sais donner le numéro du CRACP, justement, pour les auditeurs? Donc, le numéro du CRACP, c'est le 04 232 0104. Et notre permanence, c'est tous les jours de 17h à 18h30, sauf le dimanche. Voilà, c'était un reportage donc, sur la manifestation qui a eu lieu devant le centre fermé de Vautem hier dimanche. J'ajoute que donc on était quelque chose comme 1000 personnes, peut-être 1500, donc dans une rue comme ça très étroite. Donc vous avez pu entendre deux membres du CRACP, François Schreier de l'Euromédée, une voisine qui est neutre tant qu'elle a la paix. Et donc cette voisine, ça dit bien comment se structure ce lieu, donc une rue très étroite avec d'un côté des grands portails en fer sur lesquels des manifestants tapent à bras raccourcis et de l'autre des petites maisons comme ça avec des gens qui ont la vue sur un centre fermé et qui sont neutres tant qu'ils ont la paix. Il y avait Oscar Ducraire encore, il y avait un manifestant interpellé par la police en civil et on espère que cette interpellation n'aura pas de suite. Voilà, ça c'était la manifestation d'hier. Dédé, oui. Une réaction par rapport à ce reportage? Non, en fait, moi, ça me rappelle tant de choses parce que je me souviens que quand j'étais encore dans un centre ouvert appelé Petit Château, ça s'était passé presque de la même chose aussi. Donc, à l'époque où il y avait protocole de collaboration entre Office étrangers avec le ministère de l'Intégration sociale qui permettait à la police de faire des incursions dans les centres ouverts pour arrêter de sans-papiers qui ont encore un recours au Conseil d'État et tout ça, pour arrêter cela, on a dû manifester. Donc, quand il y a des manifestations comme ça qui continuent, c'est très bien qu'il y ait encore plus de monde, plus de gens qui continuent à le faire, parce que chaque goutte, plus qu'il y aura des gouttes, et finalement nous aurons un océan. Donc c'est important donc, de continuer la lutte. Quoi. Donc moi, quand j'entends ça comme ça, ça me fait encore plus du bien et ça me pousse encore de continuer à la lutte. Donc c'est ça. D'accord. Tu as parlé de centre ouvert. C'est vrai que dans l'émission du journal Sans Papier, on n'a pas encore parlé de la différence qu'il y a entre les centres fermés et les centres ouverts. Un centre ouvert, tu penses à... Tu étais dans quel centre ouvert, toi? Donc, j'étais dans un centre ouvert qu'on appelle Petit Château, ouais. qui n'est pas loin aussi de l'office étranger, qui est à Bruxelles, qui dépend de Bruxelles. Ouais. Et la différence entre centre ouvert et centre fermé, c'est que dans un centre ouvert, tu es libre dans le sens où tu peux sortir à des heures bien déterminées. Ça veut dire que tu peux sortir à partir du matin, retourner tout au plus tard avant minuit, et ça dépend de quel centre tu y es. Il y a des centres où tu dois déjà être de retour avant 22 heures. Et là où moi j'étais, c'était qu'il faut être de retour avant 1h du matin. Donc, mais au moins, on se sent libre, on peut aller téléphoner, on peut recevoir des gens si on les demande, des visiteurs, des choses un peu comme ça. Mais dans un centre fermé, c'est fermé. Donc, et puis, mon centre fermé, c'est juste pour un peu aveugler. Donc, c'est une prison, donc tu n'es pas libre. Tu vis dans un couloir. Donc, c'est ça, quoi. Comment est-ce que tu as été amené, toi, à rencontrer cette réalité des centres fermés ? En fait, c'est par rapport aux procédures. Vous savez, les procédures sont établies, en fait, pour amener les gens à être enfermés. C'est pas pour leur donner le papier, mais c'est pour, en fait, les faire devenir des sans-papiers. Je suis arrivé ici en Belgique suite aux problèmes politiques dans mon pays. Et comme tout le monde, j'ai demandé l'asile. Et l'asile a des étapes. Première étape, on te donne négatif. La seconde, on te donne négatif. Et finalement, tu es au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c'est un trou noir. Donc, il n'y a plus d'issue. On s'est fini. Et là, au Conseil d'État, on t'a dit, ben, tu as fait le recours, mais on peut toujours t'arrêter, t'expulser. Et avec ça, moi, j'ai pas voulu continuer à ronger le mur du centre parce que je me disais, mais rester ici, c'est mourir, quoi. J'ai vite organisé les amis, tout ça, avec cette affaire des protocoles qui venait de tomber. On s'est organisé tout en respectant les règles. Et puis, ça s'est vite bien passé dans le sens où on a pu quand même obtenir la suppression de ces protocoles-là. On avait été reçu par l'un des responsables de l'office étranger. Les choses ont évolué très, très, très vite. Mais comme j'étais à la tête et comme j'étais porte-parole dans tout ça, j'étais très visible. Et après, à un moment, je fais une seconde demande d'asile parce que je craignais des problèmes réels. Donc, et dans ma deuxième demande d'asile, j'ai été convoqué à l'office étranger, en fait, pour qu'on puisse photographier mon bébé et puis en même temps recevoir une réponse à ma deuxième demande. Donc, on avait coïncidé ça comme ça, mais c'était une petite politique pour m'avoir, quoi, tu vois. Bon, une petite stratégie. Et puis, j'arrive là et puis j'ai été enfermé. On m'a conduit dans le centre fermé 127 bis. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les centres fermés 127 bis. Et dès là, je commençais une grève de faim. J'ai fait une grève de faim de 10 jours. Je me suis dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire jusqu'à ce que je puisse sortir d'ici. Et alors, grâce à la mobilisation extérieure et à le monde associatif, avec toutes ces manifestations ici, c'est vraiment utile, quoi. Et c'est là à aider à ce que les choses puissent aller très vite. Mais j'étais d'abord libéré par la Chambre des conseils qui a statué sur mon cas en disant que ce n'était pas très utile qu'on m'enferme comme ça parce que j'avais une adresse, on connaissait là où j'étais. Donc, et la motivation de cet enfermement n'était pas très solide. Alors la Chambre des conseils a déclaré qu'il fallait qu'on me libère. Et après qu'on m'ait libéré, il y a le CGRA, la commissariat général de réfugiés, qui a donné une réponse positive à ma demande d'asile. Et là, j'avais une carte orange. Et avec ça, dehors, la carte orange, comme vous le savez très bien, elle ne signifie rien parce qu'on peut vous la retirer quand ils veulent. Vite fait, on a organisé l'occupation de l'église Saint-Boniface à XL. Et avec cette occupation de l'église, on a fait appel à plusieurs sans-papiers. On a dit « brisons la peur, réunissons-nous et essayons de parler ». On existe au fait, parce que quand on est sans-papiers, c'est comme si on te dit « t'as pas la voix, ta voix ne compte pas, t'existes pas, t'es sans droit ». En fait, les mots sans-papiers, c'est aussi un aveuglement, donc il faut qu'on dise les sans-droits. Donc on est sans droit, alors on dit mais réunissons-nous, revendiquons nos droits parce qu'on est des êtres humains. La Belgique c'est quand même une terre d'accueil, elle a signé des conventions de Genève, et elle se proclame comme un pays démocratique, alors dans ces cas, si on revendique, on obtiendra quelque chose. Et on a vite fait notre revendication par l'occupation de l'église à XL, Saint-Boniface, et là-dedans, on a vécu beaucoup de réalités avec des amis. C'était très difficile de vivre plusieurs nationalités ensemble, dans des conditions comme ça. C'était difficile, mais finalement, quand même, on a y trouvé quelque chose. On a prêté beaucoup de manifestations. Mais à la fin, on a fait une grève de faim. On a proclamé une grève de faim, et la grève de faim a pris 20 jours. C'est après le 20 jours de la grève de faim, quand nous avions eu une réponse favorable de l'office étranger, qui nous a donné des séjours d'un an, des séjours limités d'un an, et qui étaient conditionnés à l'occupation d'un emploi. Et donc, c'est ça. C'était comme ça. Donc, et là, c'est comme ça. Donc, on est dans cette situation-là maintenant. Et malgré ça, comme on avait quand même fondé ce mouvement Union de défense des sans-papiers, et notre devise était que ces mouvements devraient être toujours coordonnés par le sans-papier, parce qu'il est pour les sans-papiers. Et dès que nous, on avait le papier, on a donné relais aux autres sans-papiers de continuer les mouvements. Et nous, on s'est constitué dans les comités de soutien, tout ça, pour pouvoir continuer à soutenir la lutte. Parce que l'objectif, c'est de voir quand même l'Europe forteresse, cesser d'être forteresse et devenir quand même un monde qui reçoit les autres. D'accord. Je suis un peu désolé parce qu'on te fait raconter tout ça un peu vite, quoi. Il y aurait tellement à dire. J'espère qu'on va pouvoir revenir comme ça sur des points plus particuliers. Ouais. On se disait, en fait, souvent sur la réalité des centres fermés, la façon dont on est arrêté, la façon dont on est incarcéré dans ces centres fermés est tellement invraisemblable, tellement difficile à croire qu'on se disait que c'était bien qu'il y ait plusieurs témoignages et qui, voilà, peut-être vont se recouper et en tout cas accréditer que cette chose existe, parce que c'est très difficile à croire comme ça quand on ne l'a pas vécu. C'est pour ça qu'on a été aussi voir quelqu'un qui, comme toi, a lutté aussi dans cette réalité, et on peut dire que de son point de vue aussi, quelque part, la lutte à payer d'une certaine façon. C'est Mustapha qui a été, lui, incarcéré au centre fermé de Vautem, toujours le même centre fermé dont on parlait. Et on va entendre donc son témoignage maintenant, qui est un long témoignage, comme vous verrez, mais qui mérite vraiment d'être écouté. Vous étiez combien ? Par rapport à l'église, on était 48 personnes. Je me rappelle parce que j'étais le dernier à être menotté. Je portais le numéro 48. Déjà ça, quand ils sont arrivés à l'église pour nous menotter, déjà, rien que porter un numéro, déjà t'es considéré comme un animal, une vache, on te numérote. Et une dizaine de voitures de police, plus les fourgonnettes, un bus, les motards, ils ont encerclé tout le quartier. Ils nous ont emmenés, embarqués au commissariat d'Anderlecht. Et c'est là où il y a eu le triage, on va dire, la sélection. La sélection des sans-papiers. Ils nous appelaient par groupe. Votre dossier, étudiez 5 minutes, vous avez la réponse négative. Et quand on a eu cette réponse négative, ils nous ont redescendu dans les cellules. Et déjà au sein de la cellule, vous êtes enfermé avec les barreaux. Et vous êtes doublement menotté à l'intérieur de la cellule. Ils nous ont sortis dans la cour de le commissariat, comme ça, en plein soleil, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Puis on attend, il y avait des militants à l'extérieur qui ne voulaient pas qu'on parte. Je tiens à les remercier tout d'abord. Donc quand ils ont vu qu'ils ne voulaient pas, ils nous ont re-rentré dans la cellule. On a attendu encore une heure, je ne sais pas quoi. On est resté de toute façon de toute la journée dans la cellule. À 19h pile, embarquement dans le bus. On a pris le bus. Il y avait le bus séparé. Vous connaissez, je pense que vous connaissez les bus bleus là. Il y avait une partie devant, là où il y avait les agents de police. Et derrière, une partie fermée, d'autres agents. Et nous, on était à l'intérieur, menottés, le dos courbé. Et on n'a pas bu d'eau toute la journée, pas mangé, pas fumé. On pensait qu'à ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et quand on s'est dit, on avait mal aux mains parce qu'on avait double menotte ici, plus les pieds, à un moment donné, les pieds. Et on avait les veines qui étaient tellement gonflées, on leur a dit de desserrer un petit peu afin que le sang puisse circuler. Et là, c'est là où ça a commencé l'enfer. Pourquoi je dis l'enfer? Parce que vu le comportement de la police avec nous à ce moment-là, ça m'a tellement enragé. Et j'ai rien dit, j'ai gardé tout en moi. Et c'est après que j'ai eu des conséquences. Donc, la police, ils ont commencé à rigoler. On voyait le bus, il tournait vers un endroit. On croyait que c'était le centre. Moi, dans ma tête, je croyais que c'était le centre. Je regarde par les parois du bus, qui étaient teintées tout ça, je regarde. Je vois d'autres policiers qui nous attendaient dans cette place. Et c'est là où j'ai su que c'était la caserne des sapeurs-pompiers. Et là, ils nous ont descendus comme ça. Moi, je me rappelle, une fois que j'étais, il y avait un agent de police avec les casques, tout ça, les autres avec des matraques, tout ça. Ils nous ont écrasé la tête contre l'herbe, avec leurs brodequins, tout ça. Il me dit, broute l'herbe. Je le regarde comme ça, je lui dis, je ne suis pas une vache pour brouter l'herbe. Et c'est là un autre agent qui a vu que j'avais un accident dans ma jambe, tout ça, lui a dit, bon, laisse-le, parce qu'il a une prothèse de genou, il ne faut pas trop. Bon, il commence à gueuler. Bon, je me suis mis à côté, mais j'ai vu mes amis qui se font tabasser. Il y en a un qui s'est fait casser le petit doigt, le dos, les genoux, la tête, le bleu partout. Et quand on t'en criait, non, mais desserre-nous, parce qu'on a mal, tout ça. Il comptait 1, 2, 3, si on ne fermait pas notre gueule, je vais dire notre gueule, embarquement dans une autre voiture. Il y en a même certains qui ont pissé dessus, tout ça. Et là, c'était l'enfer, hein, l'enfer. Parce que, et eux, ils se sont mis tous devant nous, comme ça, comme un théâtre. Ils nous regardaient. Et je leur disais, oh, on veut boire. Aucune réponse, et eux, ils boivent devant nous. Ah tiens, tu veux que je te paye une canette, hein? Allez, on trinque. Et nous, on regardait comme ça, avec la salive qui coule et tout ça. Parce que c'est facile de le raconter, mais il faut le vivre pour croire tout ça. Nous avons re-embarqué dans le bus, donc, direction Vautem cette fois-ci. Dans le bus, on a commencé encore à crier notre malheur. Il y a un des agents, il a pris mon copain comme ça, il l'a allongé dans l'allée du bus, la tête contre là, il lui a mis encore comme ça. Il lui a dit, si tu crées encore, je t'écrase la tête. Et celui qui fait pareil, il aura le même châtiment. Et une fois à Vautem, on est arrivé à Vautem, on descendait, et le dernier des inspecteurs m'a dit, comme ça, ça vous apprendra à habiter dans une église et tourner autour des églises. Ça, c'est la dernière phrase que j'ai entendue. Ils nous ont mis des cellules, par groupe de 4 personnes, 3 personnes. Et quand ils voulaient enlever les colsons, ils avaient du mal à les enlever. Ils avaient le coupon comme ça, et pour les couper, ils avaient peur de nous blesser. Et moi, je me rappelle, j'ai pris le coupon comme ça, tellement énervé, je dis, hein, comme ça, je l'enfonçais pour que je puisse enfin voir mon sang qui circule normalement. Et ils nous ont amené des toasts à manger le soir, avec des petits pots de confiture, tout ça, une bouteille d'eau chacun. Quand on a passé la nuit là, le lendemain, ils nous appelaient un par un à la direction pour prendre note de nos noms, nos prénoms, nos dates de naissance, tout ça. Et ils nous donnaient une carte avec une photo à nous qui là, c'est un badge. C'est comme une carte d'identité. J'ai dit, ben, tu vois, Mustapha, tu cours pour cette carte. Maintenant, tu as une petite carte pour circuler ici. Ils nous ont affectés dans différentes ailes. Il y a 4 ailes. Bleu, rouge, jaune, vert. Donc, moi, j'étais dans l'aile bleue. Il y a certains de l'église qui sont venus avec moi, d'autres dans d'autres ailes. Ça dépend des gens. Et alors, au fur et à mesure, avec le temps, bon, dans le centre, on a eu des traumatismes. C'est-à-dire, moi, je commençais à vomir du sang par la nervosité. Donc, j'ai demandé des médicaments, tout ça. Et le soir, ils nous donnaient des médicaments. Nous, c'est pour dormir ou je ne sais pas quoi là. Mais ils nous donnaient des médicaments. Dans le dosage, il n'y est pas. On ne voyait pas le dosage. Tous les jours, ouais, on dort, on ne fait que dormir. Je dis, merde alors, c'est quoi ça? Quand tu demandes, par exemple, au gardien, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir quelque chose? Ça rentre par là, ça sort par là. Vous attendez devant la grille, le grillage comme un singe. vous attendez, quand vous réclamez, oh, tu fermes ta gueule ou le cachot. Et c'est quoi ce grillage? C'est un grillage qui sépare? Qui nous sépare par rapport à, c'est-à-dire, l'autre monde de liberté. Eux, ils circulent dans la liberté. Nous, on a juste un couloir. Et pas, c'est comme là, dans le jardin. Donc, de là, c'est nous. Et de l'autre, là-bas, il y a les voitures qui circulent. Et c'est eux. Et s'il y a une, par exemple, quelqu'un qui réclame ou qui gueule par rapport à lui, tu as 5 ou 6 ces gardiens qui vous tombent dessus, qui vous tiennent d'une manière agressive et qui vous poussent dans le... comme ça au cachot, et tu rentres. Et quand vous rentrez au cachot, là, c'est l'enfer. Je ne vais pas dire que tous les gardiens ils étaient méchants. Il y avait une catégorie qui était gentille avec nous. Bon, on a essayé comment les... Il y a, moi, je me rappelle, il y a des gens comme moi qui étaient enfermés. On les amenait. Ils étaient normaux dans les cellules. Bon, quand ils sortaient de la cellule, ils étaient comme ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu le film « Vol au-dessus d'un nid de coco » ou je sais pas quoi, avec Jack Nicholson? Ben, c'est la même chose. Quelqu'un qui rentre, qui parle bien, et d'un coup, là, tu as la langue qui se suspend, on dit « Merde, qu'est-ce qui se passe là-bas, de l'autre côté ?» Et pour nous, c'était l'autre côté. C'est une cellule qui est vide qui est... Une cellule, vous avez un matelas, bon, pas comme nous, un matelas en béton. Un matelas en béton, il y a, je pense, il y a un matelas, une couverture, et tu as les odeurs, tu chies là-bas. Il y a même certains qui ont tapissé le mur avec leur merde. Avec leur merde, on vous donne la bouffe comme ça, comme un chien. C'est lamentable. Et on vous fait sortir, quoi, même pas une heure, tu sors tout seul, entouré de 6 gardiens. Puis on vous rentre. Quand tu as besoin de fumer ou un truc comme ça, tu ne fumes pas à l'intérieur, on te donne une cigarette. S'ils ont envie de vous donner une cigarette, sinon tu tapes ta tête contre le mur, tu peux crier, personne ne va venir à ton secours. Et, c'est-à-dire, on te dresse pour être un sauvage. On te dresse pour être un sauvage. Et pourtant, il faut avoir la volonté et le cœur solide pour ne pas acquérir cette sauvagerie. Parfois, on fait semblant d'être gay pour ne pas avoir ça. Parfois, on voit des gens qui partent dans les cachots. Le lendemain, on n'entend plus parler d'eux. C'est comme ça que se passaient les départs? Sans préavis, rien? Ah, ils arrivent. Le directeur a besoin de vous. Bon, tu pars voir le directeur. Du coup, vous passez à la cellule, au cachot. Et du cachot à l'aéroport. Et les affaires suivent? Après, il y a les gardiens qui viennent chercher vos affaires. Et par exemple, quand quelqu'un se libère ou il y a un transfert, on ne vous dit pas ça. Ils amènent les affaires. Nous, on demande, est-ce qu'il est libéré? On ne sait pas. Et pourtant, ils savent. Est-ce qu'il est où? Je ne sais pas. Même si on lui tire une balle de l'autre côté, on ne sait pas. C'est-à-dire, vous vivez dans l'obscurité totale. Vous ne savez plus rien. Une fois qu'il franchit cette porte, vous ne savez plus rien. Comment ça se passe la journée là? Il y a des repas à heure fixe, tout le monde mange ensemble? Le matin, on se lève à... Il y a des gens qui se lèvent, d'autres qui ne se lèvent pas. Si tu veux prendre ton petit déj, il faut se lever à telle heure pour avoir les biscottes et tout ça, à 8 heures. C'est distribué comment? Ils ont un guichet, tu te présentes avec le plateau et votre passe. C'est-à-dire le fameux passe, tu leur montres, ils t'écrivent. Si tu ne manges pas, on te note. Comme quoi tu n'as pas mangé. À midi, si tu n'as pas mangé, c'est que tu fais grève de la faim. Même si tu as mal, pour eux, tu fais grève de la faim. Donc tu dois manger. Le réfectoire, il faut manger. Là, il faut manger. Mais à part ça, il ne faut pas manger. Les médicaments, on vous donne avec le repas. C'est-à-dire à midi, t'as les comprimés, le soir t'as les comprimés, et à 10h vous avez encore les comprimés du soir pour nous endormir. Vous pouviez refuser de les prendre? Ah non, tu les prends. J'ai pas vu quelqu'un refuser. J'ai vu quelqu'un qui réclamait ces médicaments, qui ne les a pas eus. Ces médicaments pour sa santé, il ne les a pas eus. Donc ça, on les prenait, c'était tous les jours, quotidiennement, pendant notre période, en 4 mois, on les a pris. Donc quand tu sors, on t'a habitué à prendre des médicaments. Finalement, vous êtes resté combien de temps à Vautem? On est resté 121 jours. Et ils ont fait appel au consulat 10 fois. Le consul, quand il est venu, on lui a expliqué la situation, la manière dont ils nous ont traités. On lui a dit, voilà ce qui s'est passé, franchement. Et c'est comme ça qu'on est resté. On n'a pas eu ce fameux laissez-passer. Quand on allait commencer le 5e mois, ils m'ont appelé. Comme c'est moi qui étais le porte-parole des 26 personnes là-bas, ils m'ont appelé. Monsieur, oui, vous venez. Vous savez pourquoi on vous appelle? J'ai dit, soit vous m'ajoutez à moi ou pour me libérer. Il m'a dit, non, on va vous ajouter à moi. Vous signez. J'ai refusé de signer. Le droit d'expulsion. J'ai refusé de signer. Alors là, j'ai crié. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de nous enfermer plus que 4 mois. Et le lendemain, à 4 heures de l'après-midi, j'étais là en train de regarder la télé. L'assistante sociale, il est venu me voir, m'a dit, Mustapha, je lui dis, oui, vous êtes libre. Je lui dis, qui, moi? Non, tous les gens d'Anderlecht. Je l'ai dit à mes copains, ils ne me croyaient pas. Bon, j'ai pris mes affaires. Quand ils m'ont vu, ils ont ramassé tout, les affaires. Et au moment où on allait sortir, ils nous ont dit, voilà. Je dis, combien on a de temps pour quitter le territoire? Il était 17h à ce moment-là, 17h. Ils m'ont dit, vous avez une journée. Je dis, quoi, une journée? Déjà, il est 17h, vous n'avez qu'à me laisser ici. Pourquoi vous allez me libérer? Et bien, un des gardiens, il m'a dit, non, vous êtes libre. Ils nous ont donné juste un papier. On est rentré de telle date, on est sorti de telle date. Vous êtes libre. C'est-à-dire, vous retombez dans la même spirale qu'avant. Vous redevenez un clandestin, vous errez dans les rues avant. C'est-à-dire, une fois que les élections communales sont finies, maintenant, vous, allez, vous faites quelque chose de votre vie. Donc, quand vous voyez ça, ça a servi à quoi cette expulsion? À rien. Le 11 novembre, on est sorti. Si ma mémoire elle est bonne, parce que depuis cette arrestation, j'ai tendance à oublier les dates. Il y avait la télé dans le centre. Il y a l'image. L'image, elle est devant toi, mais le son, on ne l'entendait pas. Parce que chacun rêvait. Il y avait cette peur. Parce que vous étiez dans le centre et vous avez cette peur. Que le lendemain, vous allez vous retrouver dans le cachot pour vous transférer à l'aéroport. Il y avait cette peur, journellement, on la vivait avec nous. Même avec un laissez-passer sans laissez-passer, vous vivez cette crainte, cette peur-là. Que le lendemain, on va vous dire, tiens, l'aéroport. À un moment donné, j'ai moi dans ma tête, comme j'ai dit, je le dis à mon médecin, pour moi, la Belgique, elle est raillée. Parce que j'avais confiance dans cette loi. J'avais confiance. De tout ce que j'ai entendu, tout s'est détruit. En un seul coup, c'est détruit. Donc, j'ai plus confiance. Maintenant, j'ai tendance à faire confiance à un voleur qu'à un policier. Quand je vois la police, je tremble de peur. Mais ça, c'est suite aux conséquences et au traitement que j'ai subi. Et le traitement que je suis maintenant consiste à me sortir de ce gouffre-là. Voilà, c'était Mustapha. Qu'on a interrogé donc cette semaine, donc un long témoignage qui est très dur. On voit que derrière, on a du mal à imaginer quand on est devant ce centre de Vautem qu'on puisse trouver autant de réalités aussi dures derrière. Donc, est-ce que tu as une réaction, Dédé, par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Non, mais c'est juste que ça me rappelle un peu des choses que j'ai personnellement aussi vécu comme ça. Et ça fait très très mal parce que quand on est dans un centre fermé, c'est comme si on criait, mais on ne se fait pas entendre surtout. Et ce qui est encore pire, c'était que, tu vois là, ce sont de personnes adultes, tout ça, mais quand tu es dans un centre fermé avec tes enfants, ta femme et tes enfants, famille là-dedans, c'est encore pire. C'est encore pire parce que c'est là où tu comprendras que l'enfant de 3 mois peut te regarder et te faire comprendre que papa, on est enfermé. Mais il ne parle pas. Mais tu sens par le regard des enfants qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai rien à ajouter sur ce qu'il a dit. Il a dit des choses qui sont réelles, qui sont comme ça. C'est vrai que dans les centres fermés, tous les agents ne sont pas méchants. Ça, il y a des agents qui sont très gentils. Et par moments aussi, il y a des coups qui arrivent quand tu es très désobéissant aussi. Moi, je me rappelle que dans les centres fermés 127 bis où j'étais, c'était aussi un problème de l'obéissance. Quand tu es très têtu, on te traite aussi durement. Mais quand tu dis oui à tout, eh ben tu es un peu relax. Mais c'est difficile de dire oui à tout tant qu'on n'a pas sa liberté, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc. D'accord. Et évidemment, on parlait la semaine dernière de la terminologie, et c'est vrai que on est dans un lieu qui est bien au-delà de la pire réalité carcérale, avec une dimension médicamenteuse, avec la drogue, avec le non-sens de cette incarcération, l'arbitraire, et tout ça peut évidemment déboucher sur des réactions. Évidemment, comme tu disais, tant qu'on dit oui, tant qu'on baisse la tête, on prend pas de coups. Il arrive qu'on baisse pas la tête, qu'on lutte, et ça donne, Johanna. Ça donne parfois des grèves de la faim collectives, donc des actions des détenus, des sans-papiers qui se retrouvent incarcérés. Et donc, moi, hier, j'ai parlé avec une des personnes qui a été au 127 bis pour visiter les grévistes de la faim. Donc, c'était, je pense qu'on en a parlé la semaine passée, qu'il y avait 37 grévistes de la faim qui avaient entamé donc cette grève. Au départ, la personne, elle m'a expliqué, donc c'était un représentant du MRAX qui a été à l'intérieur. Suite à un souhait de ces personnes qui avaient déjà entamé cette grève, de pouvoir rencontrer un représentant d'ONG afin de pouvoir faire le lien avec les acteurs politiques, donc le ministère de l'Intérieur, donc Monsieur De Waal, comme d'habitude, puisque c'est lui qui a le pouvoir de dire oui ou non à son gré. Et donc cette personne, ce représentant du MRAX, il m'a expliqué que actuellement, c'est pas du tout évident au niveau de la grève, parce que Dédé, après tu pourras nous expliquer un petit peu comment justement un mouvement peut s'organiser à l'intérieur d'un centre fermé, puisqu'on plus on dit non, plus on est maltraité par les gardiens et par la direction. Et donc il paraît que ça commence à s'essouffler, et donc pour le moment, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais qu'il y a encore une dizaine de personnes qui sont en grève de la faim. En fait, au départ, c'était parti vraiment des demandes très simples, comme l'accès à la douche, l'accès au couloir, droit à la promenade, voilà. Et donc, ça partait vraiment de besoins comme ça. Et puis, à un moment donné, c'est devenu vraiment une revendication pour la régularisation et pour la fermeture des centres. Mais c'est pas évident. Donc je me demandais, Dédé, à ton avis, comment ça se passe, toi qui étais dans le centre, le 127 bis, quand on essaye de s'organiser. Toi, tu as fait une grève de la faim à l'intérieur du centre. Comment est-ce que ça s'est passé? Non, mais quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans un centre fermé, s'organiser avec les autres, c'est pas possible. Pas du tout, parce que déjà, les agents, la façon dont le centre est construit, tout ça, la répartition des bâtiments, fait que vous ne pouvez grand jamais vous organiser à 3, 4, 5. C'est impossible. Donc, l'organisation, elle est personnelle. Quand tu te décides de faire une grève de faim, c'est toi qui l'as fait. Et ce qui est encore pire, c'est que, parce que souvent, quand on fait la grève de faim, c'est pour se faire entendre. Mais là-bas, il n'y a personne pour t'entendre. Donc, quand tu fais ta grève de faim, par moment, tu te dis, mais qui me voit dans cette grève de faim? Je suis en train de mourir seul et sans qu'il ait communiqué sur ça. Ce qui fait que c'est vraiment un coup de chapeau pour des associations qui essaient quand même de trouver des voies et moyens pour être tout le temps en contact avec les personnes détenues. C'est vraiment très bien, parce que quand tu fais une grève de faim et que cette grève de faim n'est pas médiatisée, entre guillemets, elle ne sert plus à rien parce que tu t'auto-détruis. Et finalement, quand ils vont trouver que tu es vraiment, vraiment au bout des bouts, ils peuvent te faire sortir de là. Et quand toi, tu sors, tu auras des conséquences après, des conséquences de santé. Parce qu'il y a des gens comme ça où il n'y a rien, mais on ouvre la porte, on dit, allez, va dehors, vas-y, tu as 5 jours pour quitter la Belgique. Donc, et puis chaque jour, quand tu fais une grève de faim, on te contrôle, on te prend l'attention. Moi, on me prenait l'attention chaque jour, on me pesait chaque jour. Ça veut dire qu'ils sont aussi très prudents, que tu ne puisses pas mourir. Donc, ils ne sont pas bêtes, hein, ça, il faut le savoir. Et ils n'ont pas aussi besoin que tu meurs là-bas. Donc, ils te surveillent de très, très près. Et les bâtiments sont tellement bien organisés que tu ne peux même pas te faire du mal dedans. C'est difficile de se faire du mal. Parce que je me rappelle que quand j'étais tellement au bout, je me disais, mais je peux même me pendre ici, je peux me faire ceci, ici. Mais tu regardais des moyens, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, s'organiser de façon collective, c'est vraiment impossible. Parce que déjà, vous êtes nombreux dans un centre fermé, mais vous êtes bien séparés. Ça veut dire dans notre département, on n'était que 12-15 comme ça. Et ces 12-15-là, ce n'est pas des gens avec qui vous parlez la même langue. Donc, les dispatchings prennent bien le soin de bien vérifier ces choses. Donc, déjà, la communication, elle est difficile. Dans les départements où j'étais, je ne communiquais qu'avec ma femme. C'est tout, parce que l'autre à côté, il parlait une langue que je ne connaissais pas. L'autre, il parlait une langue que je ne connaissais pas. Finalement, on créait une langue de signes, tout ça, mais ces signes qu'on se faisait, ça ne traînait pas. Quelqu'un est convoqué, il est parti, il n'est plus revenu. Le matin, il y a une voiture de police qui arrive, qui prend 2, 3, ils partent. Donc, il y a un nouveau qui arrive, demain, il n'est plus. Donc, c'est une machine qui tourne, c'est une bande qui tourne. C'est quasiment impossible de dire qu'on peut s'organiser, faire un mouvement, revendiquer en masse. Non, c'est le centre fermé, il est tellement bien organisé dans un sens très qui rend toute revendication collective difficile. Ouais. Et toi, comment ça se fait, comment ça se fait qu'on ait réussi à, donc tu es entré en contact avec des associations qui, tu avais une avocate, comment, parce que l'année dernière on a beaucoup entendu parler de libérer d'aider, combien de jours tu as fait de grève de la faim, comment ça? J'ai fait 10 jours de grève de la faim et j'ai fait dans le centre fermé 12 jours, mais toute cette période là moi je m'étais organisé de façon personnel aussi, dans le sens où j'avais une avocate qui défendait mon dossier, qui suivait de près tout ce qui se passait. Je n'étais pas seulement dans le bruit, dans les revendications, mais par rapport aussi à l'administration, j'essayais de suivre les étapes pour voir comment le rattraper dans ce qu'eux-mêmes ont établi comme loi. Et c'est comme ça que j'avais été libéré grâce à la mobilisation, mais dans les règles. Ouais. Malheureusement, l'heure tourne et on va devoir en terminer là. Enfin, pour cette fois, j'espère qu'on aura d'autres occasions de parler. C'est évidemment une réalité. Quand on commence à en témoigner, on est vite pris par le temps. Oui, tu veux ajouter quelque chose, Edé? Oui, je voulais juste dire que avant, j'étais dans l'IDEP et maintenant que j'ai les papiers, je suis entré de vrai dans un groupe de cinéma, donc appelé Cinétroupe. Et ces groupes, c'est une continuité de la lutte. Donc, nous faisons du théâtre, nous sommes en tournage de films aussi par rapport à cette problématique de l'immigration. Et bientôt, nous allons jouer dans... On a déjà joué ici à Bruxelles, à Liège, tout ça. Et on a encore tant d'autres programmes. Donc, faut toujours aller nous chercher à l'Internet et vous verrez comment ces choses se passent là-bas. Que tu nous tiennes au courant. Hein. D'accord. Ça, oui, évidemment. Ouais. Donc, on te réinvite pour ça bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'agenda. On a le temps ça. De. On fait ça vite fait. De donner quelques petites nouvelles. Vite fait. En fait, ça tombe bien de parler de la Cinétroupe parce qu'on les avait déjà invités à l'occasion d'une représentation l'année dernière au festival Voix de Femmes. Et c'est un spectacle intéressant qui est en fait construit sur base de témoignages, mais aussi sur une mise en scène. que chacun interprète et influence l'un l'autre. C'est Bénédicte Liénard et puis plein d'autres gens. Et il faut savoir que le film qui a inauguré la Ciné-Troupe se jouera ce samedi ou ce dimanche aux Ateliers Momen à l'occasion du salon vidéo de printemps avec tous les protagonistes pour vivre, j'ai laissé. C'est donc un film réalisé au Petit Château. Et on peut voir ce film-là donc, au salon vidéo de printemps, dont je pourrais vous communiquer dans l'agenda culturel la date exacte, mais sinon c'est au... C'est 68-70 et ça se passe aux Ateliers Momen, 37 rue de la Charité. Et c'est 2 jours de programmation vidéo et c'est assez intéressant parce qu'on y voit aussi un film de Laura Waddington sur la traversée de la Manche. Et donc c'est tous les personnes qui rêvent de gagner l'Angleterre et qui donc se retrouvent à Calais. Et voilà, et donc elle est rentrée en contact avec ces personnes-là. Donc c'est voilà, il faudrait aller du côté du salon vidéo des Ateliers Momen. Et sinon, si d'ici mercredi vous êtes intéressé par le ciné-club Ciné El Papel, on y présentera le film sur le peuple Mapuche, un film documentaire de 87 minutes en version sous-titré français. C'est donc version originale. C'est l'histoire du harcèlement du peuple Mapuche et la fin progressive de ces communautés entre les mains d'Endesa España et du gouvernement chilien lui-même. Alors voilà, c'est un film documentaire qui permet de rappeler que l'église de Sainte-Hélène est occupée par des sans-papiers équatoriens et qui organise chaque mercredi un ciné-club appelé Ciné El Papel. C'est 50 centimes d'entrée pour voir le film. Et l'église Sainte-Hélène, c'est avenue des Lilas 47 à 1060 Saint-Gilles, non loin de la maison communale, place de Van Meynen. Et à côté du parc de Forêt. Sinon, fin de semaine, il y a 2 lieux de représentation théâtrale qui se font un peu concurrence, puisque d'une part, il y a La Traversée de la Mort, le spectacle de la compagnie Les Nouveaux Disparus, qui se joue Théâtre des Martyrs sous chapiteau, donc sur la place même. Et pour plus d'informations, c'est vendredi à 20h, et lesnouveauxdisparus.be, c'est le site internet. Après, il y a l'espace Sangor qui ouvre une exposition, Gueule d'Amère, qui avait eu lieu, en fait, c'était des clichés pris pendant l'occupation de l'église Saint-Boniface, pardon, autant pour moi. Et voilà, l'espace Sangor invitera donc les portraits tirés l'année dernière lors de cette occupation. Ça se passe Chaussée-Douavre 366 et le vernissage est prévu à 19h30, suivi d'un spectacle représentation. Le pont de pierre et la peau d'image, également le lendemain samedi soir à la même heure, 20h30. Et puis pour se terminer la soirée, un débat sur l'immigration illégale et politique d'immigration illégale avec Alexis de Soif, le collectif des femmes en noir et le collectif de résistance au centre fermé de Liège, CRACP, si on peut les énoncer ainsi. Voilà pour l'agenda. Oui, on peut les appeler comme ça, le CRACP. Et on peut rappeler leur numéro aussi, puisque tout ce qu'on a entendu dans cette émission doit nous inciter évidemment à nous mobiliser tous les jours et de plus en plus autour des centres fermés pour relayer, disons, la résistance qui est très très dure à organiser, comme nous l'a dit Dédé, à l'intérieur des centres. Il faut qu'on fasse entendre notre voix, il faut qu'on arrive à mettre fin à cette situation, à cette réalité. Le numéro du CRACP, c'est le 04 232 0104. 04 232 0104. Donc, ils se mobilisent chaque semaine, comme on l'a dit. Il va y avoir une grosse mobilisation le 1er mai autour de l'Euromédée à Liège. Je rappelle aussi un autre numéro. C'est des numéros qu'il faut avoir sous la main en cas d'urgence. On voulait vous reparler de la rafle qui a eu lieu samedi dernier. On le fera la semaine prochaine. Si jamais vous entendez, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est raflé ou si vous assistez à ce genre d'événement, il ne faut pas oublier ces numéros. C'est le numéro d'urgence du VAC, le 04 77 40 62 19, 04 77 40 62 19, et celui du CRER. Le CRER, c'est le 04 73 62 87 33, 04 73 62 87 33. Il faut qu'on reste unis et mobilisés face à cette terreur qui s'installe, cette terreur policière qui s'installe un peu partout. On voulait vous parler de plein de choses encore, mais évidemment, on a été pris par le temps. On va devoir conclure, je pense. Je regarde la montre, oui. On remercie vraiment beaucoup Dédé d'avoir été avec nous, d'avoir accompagné. Et évidemment, à bientôt. À bientôt. On se reverra, on te réinvitera pour parler de toute autre chose ou de la même chose. On espère de toute autre chose à chaque fois. Au revoir, à lundi prochain. Papier pour tous. Papier. Papier. Papier pour tous. Radio Panique.